de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Qu'arriverait-il si un éléphant sautait en l'air comme une sauterelle ? Se demande un personnage du nommé Jeudi. Eh bien, c'est un peu ce qui se passe. Qui est Dimanche ? Que fait Dimanche ? Quel est son jeu ? Une poursuite insensée dans Londres ? Un éléphant, donc, sur lequel grimper ? Un ballon qui s'envole ? Une bande de jeunes singes ? Animé des meilleures intentions du monde, et toujours la police, ou la fausse police, les vrais et faux anarchistes, et ces hommes qui portent des noms de la semaine. Et donc, le mystérieux Dimanche, que chacun voit à sa manière. Voici le 10e et dernier épisode du feuilleton Le Nommé Jeudi. Et attention, un déguisement ne déguise pas, il révèle. Première diffusion sur France Culture le 16 septembre 1983. Le Nommé Jeudi de G.K. Chesterton, adapté par Roger Pilaudin, d'après la traduction de Jean Florence. Aujourd'hui, 10e et dernier épisode, l'accusateur. Avec Pierre Arditi, William Corinne, Roger Carrel, Pascal Mazotti, Roger Mollien, Jean-Paul Tamaris, Gérard de Sarthe, Alain Cuny, Julien Guillaumard, Jacques Guezy, Roland Dubillard. Réalisation Claude Roland Manuel. Le ballon semble s'être encore immobilisé. Soufflons. Avez-vous remarqué ce qu'il y a de plus singulier dans vos descriptions? Chacun de vous voit Dimanche à sa manière, qui est toute différente de celle du voisin. Et pourtant, tous, vous le comparez à une seule et même chose. À l'univers lui-même. Cela est étrange. Et ce qu'il est plus encore, c'est que moi aussi, je pense du président, comme je pense du monde. Vous pouvez continuer, Simon. Je ne quitte pas des yeux le ballon. J'ai d'abord vu Dimanche de dos seulement. Et en regardant ce dos, j'ai compris qu'il était celui du plus méchant des hommes. Il y avait dans la nuque, dans les épaules, la formidable brutalité d'un dieu qui serait un singe. Et l'inclinaison de la tête était d'un bœuf plutôt que d'un homme. J'ai l'idée révoltante que j'avais devant moi, non plus un homme, mais une bête, revêtue d'habits humains. Continuez. Et alors il y eut ceci qui me stupéfia. J'avais vu ce dos de la rue, tandis que Dimanche était assis sur le balcon. Quelques instants plus tard, je le vis de l'autre côté. Je le vis de face, en pleine lumière. Cette face m'épouvanta, comme elle épouvante chacun, mais non pas parce que je la trouvais brutale ou mauvaise. Elle m'épouvanta parce qu'elle était belle et parce qu'elle respirait la bonté. Sim, êtes-vous fou ? C'était comme la figure de quelque vieil archange rendant les jugements équitables au lendemain d'héroïques combats. Il y avait un sourire dans les yeux, et sur les lèvres, de l'honneur et de la tristesse. C'étaient les mêmes cheveux blancs, les mêmes larges épaules vêtues de gris que j'avais vues dans la rue. Mais de dos, j'étais sûr de voir une brute. De face, je crus qu'il était un dieu. Pan. Pan était un dieu et une bête. Alors, et toujours depuis, tel fut pour moi le mystère de Dimanche. Or, c'est aussi le mystère du monde. Quand je vois ce dos effrayant, je me persuade que la noble figure n'est qu'un masque, mais que j'entreaperçoive seulement dans un éclair cette figure et je sais que ce dos est une plaisanterie. Le mal est si mauvais que nous ne pouvons voir dans le bien qu'un accident. Le bien est si bon qu'il nous impose cette certitude. Le mal peut s'expliquer. Mais toutes ces rêveries culminèrent, pour ainsi dire, hier, quand je poursuivais Dimanche pour prendre un cab et que je me trouvais constamment derrière lui. Avez-vous eu alors le temps de penser ? J'ai eu le temps d'avoir cette pensée unique et affreuse. Je fus envahi par cette impression que le verso du crâne de Dimanche était sa vraie figure. Une figure effrayante qui me regardait sans yeux. Et je m'imaginais que cet homme courait à reculons et dansait en courant. Horrible. Oh, horrible est un mot faible. Ce fut exactement le pire moment de ma vie. Et pourtant, quelques minutes plus tard, quand il sortit la tête de sa voiture et nous fit une grimace de gargouille, je sentis qu'il était comme un père qui joue à cache-cache avec ses enfants. Le jeu dure bien longtemps. Écoutez-moi, je vais vous dire le secret du monde. C'est que nous n'en avons vu que l'envers. Nous voyons tout par derrière, tout nous paraît brutal. Ceci n'est pas un arbre, mais le dos d'un arbre. Cela n'est pas un nuage, mais le dos d'un nuage. Ne comprenez-vous pas que tout nous tourne le dos et nous cache un visage? Ah, si seulement nous pouvions passer de l'autre côté et voir de face. Le ballon descend. Là-bas, derrière les arbres. Lentement, comme un soleil qui se couche. Il est mort. Et maintenant, je sais que c'était mon ami. Mon ami dans les ténèbres. Mort. N'ayez pas cette crainte. S'il est tombé de la nacelle, attendez-vous à le voir se jouer dans l'herbe en cabriolant comme un jeune poulain. Il fera sonner ses sabots. Ainsi font les poulains. Ainsi faisait Pan. Encore Pan ? Vous paraissez croire que Pan, c'est tout. En effet. En grec, Pan signifie tout. N'oubliez pas qu'il a aussi le sens de panique. Oh, je vois où il est tombé. Ah, s'il s'était laissé mourir pour se jouer de nous, ce serait encore une de ses farces. Nous ne sommes pas seuls dans ce champ. C'est vrai ? Que nous veut cet homme de si haute taille ? Et sur quoi s'appuie-t-il donc dans sa marche à travers les labours ? Un étrange et long bâton. Pareil à un sceptre. Ah oui, un sceptre serait en harmonie avec la beauté de son vêtement aux formes surannées et ses culottes à jarretières. Il ne peut être que le majordome d'un très haut personnage. Messieurs, une voiture de mon maître vous attend sur la route, tout près d'ici. Qui est votre maître ? On m'avait dit que vous saviez son nom. Où est cette voiture ? Elle est sur la route, depuis quelques instants seulement. Mon maître vient de rentrer chez lui. J'ai beau regarder ce bout de champ vert où je me tiens. Les haies sont des haies ordinaires. Les arbres n'ont rien d'extraordinaire et pourtant, j'ai l'impression d'être prisonnier dans l'empire des fées. Bien, montrez-nous le chemin. Suivez-moi. Une brèche dans cette haie nous conduit directement à la route. Six voitures. Mais quelle voiture ? Ma parole, on se croirait aux abords de Park Lane. Si vous voulez bien me suivre. Et auprès des six équipages, des valets vêtus de la livrée gris-bleu, l'épée au côté. Pour les pauvres dégonillés que nous sommes. Saluez ! Qu'est-ce que tout cela peut bien signifier ? Serait-ce une nouvelle plaisanterie de Dimanche ? Bon, je ne sais pas. Mais si plaisanterie il y a, elle est de celle dont vous parliez. Elle est sans malice. Eh bien, mes amis, chacun a sa voiture. Nous avons vécu bien des aventures, mais celle-là a ceci de particulièrement étonnant qu'elle est confortable. Abandonnons-nous au destin. Par la suite, les six amis purent échanger leurs impressions sur le trajet qu'ils parcoururent. Ils ne furent pas d'accord sur des détails, mais tous convinrent que ce lieu leur avait, pour une raison ou pour une autre, rappeler leur enfance. Cela tenait au sommet d'un ormeau, ou à un tournant du chemin. Un bout de jardin pour l'un et pour l'autre à la forme d'une fenêtre. Mais chacun d'eux déclara qu'il se rappelait plus aisément cet endroit que les traits de sa mère. Des rafraîchissements vous attendent dans vos chambres, messieurs. Un miroir. Vite. Quel visage effrayant. Tout saignant des écorchures que lui ont faites les branches des arbres. Des cheveux hérissés pareils à de l'herbe flétrie. Et les vêtements déchirés. Comment es-tu arrivé dans ce château, Saïm? Et comment en sortiras-tu? Je suis attaché à monsieur, monsieur. J'ai préparé les habits de monsieur. Les habits de monsieur? Mais je n'en ai pas d'autres que ceci. Mon maître fait dire à monsieur qu'il y a un bal travesti ce soir et il le prie de revêtir les habits préparés pour monsieur. En attendant, il y a là du faisant froid et une bouteille de Bourgogne que monsieur voudra bien accepter. Car le souper n'aura lieu que dans quelques heures. Le faisant froid est une bonne chose, le Bourgogne est une chose excellente, mais vraiment, je suis beaucoup moins pressé de manger, de boire, que de savoir ce que signifie tout ceci, et de voir le costume qui m'est destiné. Où est ce costume? Ici, sur l'ottoman, monsieur. Quoi, cette longue draperie bleu pan, semblable à un domino, m'est destinée? Qu'y a-t-il sur le devant? Un grand soleil d'or et de ci de là semé des étoiles et des croissants. Monsieur devra s'habiller en jeudi. En jeudi? Ben, cela ne me paraît pas bien chaud. Oh, monsieur, cela est très chaud, cela monte jusqu'au menton. Soit. Je n'y comprends rien du tout. Je suis depuis si longtemps habitué aux aventures désagréables qu'il suffit d'une circonstance agréable pour me démonter. Mais... il m'est peut-être permis de demander pourquoi je ressemblerais particulièrement à jeudi en revêtant cette blouse verte décorée du soleil et de la lune. Cette étoile et cette planète brillent les autres jours aussi. Je me rappelle avoir vu la lune un mardi. Que monsieur me pardonne, monsieur. La Bible répond aux soucis de monsieur. C'est dans un verset du premier chapitre de la Genèse que le quatrième jour de la semaine est associé à la création du soleil et de la lune. Cela devient de plus en plus étrange. Mais qu'est-ce que ces gens qui fournissent du faisant froid, du Bourgogne, des habits verts, des bibles? Ne fournissent-ils pas autre chose encore, n'importe quoi? Tout? Oui, monsieur, tout. Dois-je aider monsieur à mettre son costume? Oui, allez, mettez-moi ça sur le dos. Oh. Remarquable. Je m'y trouve étrangement à l'aise. Qu'est-ce? L'épée de monsieur, monsieur. Que monsieur permette. Sous ce déguisement, après tout. Ce déguisement ne déguise pas, monsieur. Il révèle. N'est-ce pas le secrétaire que je vois, drapé dans une ample robe d'un noir absolu comme une nuit sans étoiles, traversé d'une bande d'un blanc pur comme d'un unique rayon de lumière? Jamais cet homme n'a eu si noble allure. Rappelle-toi qui je suis. Le premier des six jours est celui de la création de la lumière, séparée des ténèbres, Saïm. Ce déguisement ne déguise pas, monsieur. Il révèle. Oui. J'admire combien ce simple vêtement blanc et noir exprime avec exactitude ton âme, secrétaire. Cet amour inhumain de la vérité. Cette sombre frénésie qui t'animait contre les anarchistes. Et qui t'aurait fait passer pour un anarchiste toi-même. Si tu pouvais te voir toi-même, jeudi, tu constaterais que pour la première fois, tu te ressembles vraiment à toi-même et à nul autre. Ce déguisement ne déguise pas. Représente le philosophe épris de la lumière en soi, originel et sans forme. En jeudi, il faut reconnaître le poète qui cherche à donner une forme à la lumière, à en faire des étoiles et des soleils. Le philosophe peut s'éprendre de l'infini. Le poète aimera toujours le fini. Le grand jour pour lui, ce n'est pas celui où naquit la lumière. C'est le jour où brillèrent le soleil et la lune. Mon maître prie ses nobles invités de bien vouloir se rendre sur la grande pelouse du parc, où dans quelques instants se déroulera le ballet de l'humanité. Radcliffe, vêtu tel un chasseur d'un habit vert printanier, illustré d'arbres qui entrelacent leurs branches. C'est que je suis l'homme du troisième jour, mercredi, celui qui vit la création de la terre et de toutes les choses vertes. Cet homme, habillé en moulin à vent. Celui-ci déguisé en éléphant. Celui-là en ballon. Ce danseur déguisé en oiseau, avec ce bec immense. Oh, un réverbère qui danse. Un bateau qui danse. On dirait que toutes les formes de la nature sont reproduites. Gogol. Dans un costume où l'on a dessiné la division des eaux. Rien ne convient mieux à la simplicité de mardi. Et c'est vous, professeur, dans ce costume violet-pourpre ? Je porte le nom du jour où furent créés les oiseaux et les poissons, formes élémentaires de la vie. Vendredi. Les poissons aux yeux fixes et les étranges oiseaux qu'on y voit foisonner signifient bien ce mélange d'insondable fantaisie et de scepticisme qui vous caractérise, vendredi. Et le docteur Boule, enfin. Samedi. Le dernier jour de la semaine, je suis couvert de bêtes héraldiques, rouges et or. Et au sommet de la tête, ne vous étonnez pas de voir l'image d'un homme rampant. L'image de l'optimiste. Si ces messieurs veulent bien me suivre jusqu'au lieu où sont disposés les trônes des sept jours, mardi, mercredi et samedi occupent déjà leur siège. Le trône central reste vide. Viendra-t-il ? Nous ne savons pas encore s'il n'est pas mort dans la campagne. Bonjour. Nous irons manger et boire plus tard. Restons ensemble quelque temps. Nous qui nous sommes si douloureusement aimés, si opiniâtrement combattus. Je crois me rappeler des siècles de guerres héroïques, dont vous avez toujours été les héros, épopée sur épopée, Iliade sur Iliade, où vous fûtes toujours compagnons d'armes. Que ces événements soient récents ou qu'ils datent de l'origine du monde, peu importe car le temps n'est qu'illusion. Je vous ai envoyé dans la bataille. Je restais dans les ténèbres où il n'est rien de créé. Et je n'étais pour vous qu'une voix qui vous commandait le courage et une vertu surnaturelle. Vous entendiez cette voix dans les ténèbres. Puis vous ne l'entendiez jamais plus. Le soleil dans le ciel la démenter. Le ciel même et la terre, la sagesse humaine, tout démentait cette voix. Et moi-même, je la démentais quand je vous apparaissais à la lumière du jour. Mais vous étiez des hommes. Vous avez gardé le secret de votre honneur. Vous avez gardé le secret de votre honneur, bien que la création tout entière se transformât en instrument de torture pour vous l'arracher. Je sais, je dis, comment vous avez croisé le fer avec Satan, roi. Et vous, mercredi, comment vous avez proféré mon nom à l'heure du désespoir. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Je suis le sabbat. Je suis la paix du Seigneur. Je comprends ce que vous voulez dire. Et c'est là précisément ce que je ne puis vous pardonner. Je sais que vous êtes la satisfaction, l'optimisme. Comment dit-on encore? La réconciliation finale? Eh bien, moi, je ne suis pas réconcilié! Si vous étiez l'homme des ténèbres, pourquoi étiez-vous aussi dimanche? C'est outrage à la lumière. Si vous étiez dès l'abord notre père et notre ami, pourquoi étiez-vous aussi notre pire ennemi? Nous pleurions, nous fuyions, terrifiés, le froid du fer dans le cœur. Et vous êtes la paix du Seigneur. Oh, je pardonne à Dieu son courroux, même quand ce courroux détruit les nations. Mais je ne puis lui pardonner sa paix. Et vous, je dis, je ne suis pas aussi féroce. Je vous suis reconnaissant non seulement du bon vin et de l'hospitalité dont nous jouissons ici, mais encore des belles aventures où vous nous avez jetés et de maints joyeux combats. Mais je voudrais savoir. Mon âme et mon cœur sont calmes et heureux comme ce vieux jardin, mais ma raison ne cesse de gémir. Je voudrais savoir. Mercredi. Il me semble cocasse que vous ayez été des deux côtés à la fois, vous combattant vous-même. Samedi. Je n'y comprends rien, mais je suis heureux. Je crois que je vais m'endormir. Vendredi. Je ne suis pas heureux, parce que je ne comprends pas. Vous m'avez fait frôler l'enfer d'un peu trop près. Et vous, mardi? Je voudrais savoir pourquoi j'ai tant souffert. J'ai entendu vos plaintes l'une après l'autre. Et voici, je crois, qu'un dernier arrive avec des plaintes aussi. Écoutons-le. Grégory. Le voici donc enfin, le véritable anarchiste. Oui, je suis le véritable anarchiste. Or, il arriva un jour que les fils de Dieu étant venus se présenter devant l'Éternel, Satan vint aussi au milieu d'eux. Vous avez raison. Je suis le destructeur. Je détruirais le monde si je le pouvais. Oh, Grégory, mon ami, oh, le plus malheureux des hommes. Essayez d'être heureux. Vous avez les cheveux blonds comme Rosamonde, votre cousine. J'ai les cheveux fauves, fauves comme le feu, couleur de la fournaise, où périra le monde. Je pensais haïr toute chose plus qu'aucun homme ordinaire ne saurait haïr une seule entre toutes les choses. Mais je vois maintenant qu'il n'est rien ni personne que je haïsse autant que vous. Je ne vous ai jamais haï. Oh, vous. Vous n'avez jamais haï parce que vous n'avez jamais vécu. Je sais qui vous êtes, vous tous, depuis le premier jusqu'au dernier. Vous êtes les gens en place, les hommes au pouvoir. Je maudis votre paix et votre sécurité. Vous voilà assis sur vos trônes de pierre d'où vous n'êtes jamais descendu. Vous êtes les sept anges du ciel, vous n'avez jamais souffert. Ô vous qui gouvernez toute l'humanité, je vous pardonnerai tout si je pouvais me persuader qu'une heure seulement. Vous avez connu l'agonie dont, moi... Je vois tout! Je vois tout ce qui est. Pourquoi toute chose sur terre est-elle en lutte contre toutes les autres choses? Pourquoi chaque être, si petit qu'il soit, doit-il être en guerre avec l'univers entier? Pourquoi la mouche doit-elle livrer bataille au monde? Pourquoi le bouton d'or doit-il livrer bataille au monde? Pour la même raison qui me condamnait à être seul dans le conseil des 7 jours. C'est pour que chaque être, fidèle à la loi, puisse mériter la gloire de l'anarchiste dans son isolement. C'est pour que chacun des défenseurs de la loi et de l'ordre soit aussi brave qu'un dynamiteur et le vaille. C'est pour que le mensonge de Satan puisse lui être rejeté au visage. C'est pour que les tortures subies et les larmes versées nous donnent le goût de dire à ce blasphémateur « Vous mentez !» Nous ne saurions payer trop cher, d'agonie trop cruelle, le droit de répondre à notre accusateur « Nous aussi, nous avons souffert !» Non, il n'est pas vrai que nous n'ayons jamais été brisés. Nous avons été brisés et roués sur la roue. Il n'est pas vrai que nous ne soyons jamais descendus de ces trônes. Nous sommes descendus en enfer. Nous nous plaignions encore de souffrances inoubliables dans le moment même où cet homme est venu nous accuser insolemment d'être heureux. Je repousse la calomnie. Non ! Nous n'avons pas été heureux. Je puis le dire au nom de chacun des grands gardiens de la loi qui l'a accusé, du moins dimanche. Avez-vous jamais souffert ? Pouvez-vous boire à la coupe où je bois ? Le grand visage prit soudain des proportions effrayantes. Infiniment plus effrayante que celle du colossal masque de Mammon qui terrorisait Syme au musée, qu'il faisait pleurer et crier quand Syme était enfant. Le visage s'étendit de plus en plus jusqu'à remplir le ciel. Puis toutes choses s'anéantirent dans la nuit. Savez-vous à qui l'on doit la création de Saffron Park, Monsieur Syme ? À la fantaisie d'un spéculateur audacieux qui possède quelques vagues teintures d'art. Oui. Dans le public, on traite ce faubourg de colonie d'artistes. Il est vrai que l'aspect, l'atmosphère en sont artistes. Un endroit fort agréable, Monsieur Grégory. Non seulement agréable, mais il est parfait pour peu qu'on le considère non comme truqué, mais plutôt comme un rêve. Comme un rêve, en effet. Qu'avez-vous ? Cette voix, Grégory ? N'est-ce pas celle de votre cousine, Rosamonde ? Ne reconnaissez-vous pas sa silhouette aux cheveux d'or, là-bas, près du banc ? Elle cueille gravement des branches de lilas. Le nommé jeudi, de G.K. Chesterton, adapté par Roger Pilaudin, d'après la traduction de Jean Florence. C'était aujourd'hui le 10e et dernier épisode, L'accusateur, avec Pierre Arditi, Syme, jeudi, William Corin, Bull, samedi, Roger Carrel, De Worms, vendredi, Pascal Mazzotti, le secrétaire, lundi, Roger Mollien, Saint-Eustache, Radcliffe, mercredi. Jean-Paul Tamaris, Gogol, mardi. Gérard de Sarthe, Grégory. Alain Cuny, Dimanche. Julien Guillaumard, le narrateur. Jacques Guezy, le majordome. Roland Dubillard, le valet. Les symboles, Solange Boulanger, Monique Thierry, Francine Bouffard, Maïté Monceau, Evelyne Lecuc. Et Gérard Billon, Nicole Brémond, Frédéric Barbet, Maria Pitigot, Sylvie Germont, Florent Meyer, Lionel Robert, Bertrand Farge, Bernard Chaumillier, Christophe Petit, Christine Manangiara. Bruitage, Patrick Martinache. Collaboration technique, Jean-Richard Dufour. Prise de son, Madeleine Sola. Assistante, Annie Delers. Réalisation, Claude-Roland Manuel. Ce 10e et dernier épisode du feuilleton a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 16 septembre 1983. Le roman de Gilbert K. Chesterton, Le Nommé Jeudi, est publié dans la collection L'Imaginaire chez Gallimard. Vous pourrez réécouter tous les épisodes de ce feuilleton en ligne durant 1000 jours ou les télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.